son cœur dans sa tête. Si encore il m'attend, nous, tout simplement, fermez vos corps et sentiments différents. Tout simplement, fermez vos corps en panthère dans son cœur. Bibi avec le titre tout doucement sur RGM. Et tout doucement, eh bien, il est un peu plus de 8h36. On parle anniversaire. Ils sont nés un 9 janvier en 1924. Naissance d'Anne Vernon, actrice française, vue dans Arsène Lupin contre Arsène Lupin dans le rôle de Madame Bellac et Les Parapluies de Cherbourg dans le rôle de Madame Emery. 1944, naissance de Jimmy Page, musicien britannique, guitariste du groupe Led Zeppelin, dont on écoute tout de suite un extrait du titre Stairway to Heaven. Stairway to Heaven. When she gets there, she knows if the stars are all closed. With a word, she can get what she came for. Ooh, ooh, ooh, and she's by. There's a sign on the wall, but she wants to be sure. 'Cause you know sometimes words have to mean. In a tree by the brook, there's a song. Voilà pour l'extrait des Led Zeppelin. On va rester en musique puisqu'en 1951, c'était la naissance de Crystal Gayle, chanteuse américaine connue pour le titre « Don't it make my brown eyes blue » dont on écoute tout de suite un extrait. Don't know when I've been so blue. Don't know what's come over you. You found someone, and don't it make my brown eyes blue. I'll be fine when you're gone. I'll just cry all night long. Say it is all. Voilà pour l'extrait de la chanteuse Crystal Gayle. Allez, on continue. 1951, naissance de Jonathan Kimball Simons, acteur américain, connu pour son rôle de J. Jonah Jameson dans Spider-Man 1, 2 et 3, vu dans Juno, Whiplash dans le rôle de Terence Fletcher, récompensé par le Golden Globes du meilleur acteur dans un second rôle, ainsi que l'Oscar du meilleur acteur dans un second rôle, vu également dans La La Land dans le rôle de Bill, dans Justice League dans le rôle du commissaire James Gordon, dans la série télé Oz dans le rôle de Vernon Schillinger, New York Police Judiciaire ainsi que New York Unité Spéciale dans le rôle du docteur Emil Skoda, et vu également dans The Closer dans le rôle du chef Will Pope. 1956, naissance d'Imelda Staunton, actrice britannique, vue dans Vera Drake dans le rôle de Vera Drake, récompensée par le Golden Globes de la meilleure actrice, connue pour son rôle de Dolores Umbridge dans Harry Potter et l'Ordre du Phénix ainsi que Harry Potter et les Reliques de la Mort première partie, et vue également dans le film Maléfique dans le rôle d'Hortense, ce rôle qu'elle reprendra d'ailleurs dans le second volet dont la sortie est prévue pour 2020. 1957, naissance de Bibi, chanteuse ghanéenne. 1965, naissance de Valérie Garnier, ancienne basketteuse française devenue entraîneur de l'équipe de France féminine depuis le mois d'août 2013. C'est également l'année de naissance de Joëlie Richardson, actrice britannique, vue dans Les 101 Dalmatiens dans le rôle d'Anita, The Patriot, Le Chemin de la Liberté, Millennium, Les Hommes qui n'aimaient pas les femmes dans le rôle d'Anita Venger, dans la série télé Nip Tuck dans le rôle de Julia McNamara, ou encore Les Tudors dans le rôle de Catherine Parr. 1970, naissance de Lara Fabian, chanteuse belge. 1973, naissance de Sean Paul, chanteur jamaïcain. 1978, naissance d'Alexander James McLean, chanteur américain, membre des Backstreet Boys. Et on va revenir dans les années 90-2000 avec leur titre, leur tube même, Everybody. again. Brothers, sisters, everybody sing. Gonna bring the flame, I'll show you how. Got a question for you, better answer now. Yeah. Am I original? Voilà pour l'extrait donc des Backstreet Boys avec leur titre Everybody. On continue les anniversaires, on va en 1982 avec la naissance de Catherine Middleton, princesse royale britannique, épouse du prince William. 1987, naissance de Paolo Nutini, chanteur britannique, dont on écoute un extrait du titre Candy, qui avait plutôt bien marché hein, d'ailleurs à l'époque. Trying to make myself a seal. Then I'll float to you, my darling, with the evening on my tail. Although not the most honest means of travel, it gets me there nonetheless. I'm a heartless man at worst, babe, and a helpless one at best. Darling, I'll leave your skin, I'll even wash your clothes. Just give me some candy before I go. Oh darling, I'll kiss your eyes and lay you down on your rug. Just give me some candy after my hug. Oh, I'm often found explaining, but the hurt plays out all. And although I'm left defeated, it gets held against my name. Voilà pour l'extrait de Paolo Nutini. Allez, 1989, naissance de Nina Dobrev, actrice bulgaro-canadienne. Vieux cinéma dans Le Monde de Charlie ou encore Triple X Reactivated, mais elle est plus connue pour ses rôles de Mia Jones dans la série Degrassi, La Nouvelle Génération, et ses rôles d'Elena Gilbert, Catherine Pierce et Amara Petrova dans la série télé à succès Vampire Diaries. 1995, naissance de Nicola Peltz, actrice américaine, vue dans Transformers L'Âge de l'Extinction dans le rôle de Tessa Jaeger, ainsi que dans la série Bates Motel dans le rôle de Bradley Martin. En 1873, décédé Napoléon III, président de la République française de 1848 à 1852, puis empereur des Français de 1852 à 1870. Allez, avant de s'écouter Lara Fabian, on fait un point sur les sorties cinéma. On commence tout de suite avec Creed 2, un film dramatique d'action de Steven Cable Jr. avec Michael B. Jordan, Sylvester Stallone ou encore Tessa Thompson. Autre film, Les Invisibles, comédie de Louis-Julien Petit avec Audrey Lamy, Corinne Maziero ou encore Noémie Lvovsky. Autre film, Border, un drame fantastique d'Ali Abbasi avec Eva Melender, Eero Milonov et Jorgen Thorsen. Autre film, Edmond, comédie dramatique d'Alexis Michalik avec Thomas Soliveres, Olivier Gourmet ou encore Mathilde Seigné. Autre film, Forgiven, un thriller de Roland Joffé avec Forest Whitaker, Eric Bana ou encore Jeff Goom. Et enfin, dernier film, L'heure de la sortie, thriller de Sébastien Marnier avec Laurent Lafitte, Emmanuel Berco ou encore Pascal Grégory. Voilà pour les sorties cinéma. On écoute tout de suite donc Lara Fabian avec le titre Tout. Tout ce qui nous unit. dans un récit s'écrit, c'est aujourd'hui. Pas comme les autres, nous, on décidait d'être entre autres, nous, les plus forts, les plus fous. Nous, on n'avait rien à prouver, nous, on n'avait rien à gâcher, sauf notre liberté. Rien vu se déchirer, pas même la force de ces années. On a joué le tout pour le tout. On s'est dit on s'en fout, on a l'univers, rien que nous. On a Lara Fabian sur le 107 FM. Il est pile 8h50. On fait un point météo. La météo. Alors aujourd'hui, eh bien, on passera la journée sous les nuages avec des averses de neige au programme. Alors ce sera de la neige en altitude et ce sera pluie et neige mêlée plutôt en plaine. Des températures comprises entre 1 et 2 degrés ce matin, entre 2 et 3 degrés pour cet après-midi. Pour les deux jours à venir, il va faire froid. Tout d'abord jeudi, sous les nuages, des températures comprises entre moins 2 et moins 1 degré le matin, entre moins 1 et 0 degré prévu pour demain après-midi. Et vendredi, ce sera une journée nuageuse avec des températures comprises entre moins 6 et moins 5 vendredi matin. Oui, vous m'avez bien entendu. Et on n'ira pas dans le positif vendredi après-midi puisque nous aurons des températures comprises entre moins 2 et moins 1 degré. Voilà pour la météo. On fait maintenant un point sur l'actu sportive. Et on va commencer bien avec le football et les résultats de la Ligue 1 où Nantes s'est imposé 2-0 face à Montpellier et Amiens et Angers ont fait match nul 0 partout. Et en quart de finale de la Coupe de la Ligue, Strasbourg s'est qualifié 2-1 face à Lyon. Au programme de ce soir, Monaco affronte Rennes, Bordeaux Le Havre et PSG Guingamp. Et en Angleterre, en League Cup, demi-finale aller, Tottenham a pris l'avantage en s'imposant hier soir 1-0 face à Chelsea. Un mot de basket avec les résultats résultats de NBA, l'équipe de Washington de Miami a 10 points et 7 rebonds. S'est inclinée face à Philadelphie, 132 à 115. L'équipe d'Oklahoma de Lua Okabaro qui n'a pas joué s'est inclinée face au Minnesota. L'équipe de Phoenix d'Okobo qui n'a pas joué s'est imposée face à Sacramento. Et enfin l'équipe de Charlotte de Nicolas Batum et Tony Parker s'est inclinée face au Los Angeles Clippers, 128 à 109. 10 points pour Batum et 12 pour Tony Parker. Un mot de tennis avec le tournoi d'Auckland où il n'y a plus de Français en compétition après l'élimination aujourd'hui de Humbert en 2-7 face à Cole Schreiber, 6-4-6-4. À Sydney, aujourd'hui, Gilles Simon affrontera Sam Querrey. Et au tournoi féminin de Hobart, hier a noté l'élimination de Caroline Garcia en 2-7 face à Kenin, 6-3-6-2. Et aujourd'hui, un duel franco-française entre Pauline Parmentier et Alizé Cornet. Et on fait un point sur l'Open d'Australie. Hier, c'était le premier jour des qualifications. Il y avait un duel franco-français entre Sakhanov et Quentin Alice. C'est Sakhanov qui s'est qualifié en 2-7. Moutet s'est incliné en 3-7. Emery s'est qualifié en 2-7, tout comme Barrère. Hoang, lui, s'est incliné en 2-7, tout comme Lestienne. Kenny Deschepper, lui, s'est incliné en 3-7. Et Janvier s'est qualifié en 3-7. Et aujourd'hui, Nicolas Mahut a été éliminé en 2-7, tout comme Robert. Et côté féminin, à noter que Georges s'est incliné en 2-7 hier. Paquet, elle, s'est inclinée en 3-7. À noter hier la qualification d'Amandine S en 3-7. Et aujourd'hui, c'est Poncher qui s'est qualifié en 2-7. Et il me semble qu'il n'y avait plus de Français sur les cours à l'heure où j'ai pris les résultats. Et on parle hockey féminin maintenant avec le mondial U18. Ce soir, troisième match pour les Bleuettes face à la Pologne. Et on termine avec du handball messieurs, vendredi hein, c'est le début du mondial. On connaît la liste des 17 joueurs retenus pour participer à ce mondial. Alors côté gardien, il y aura Cyril Dumoulin et Vincent Gérard. Côté ailier gauche sont retenus Mathieu Grébi, Michael Guigou, ailier gauche demi-centre Quentin Mahé, arrière gauche Romain Lagarde, Timothée Nguessan, demi-centre Nicolas Clerc, demi-centre arrière-droit d'Ikamem, pivot Ludovic Fabregas, Lucas Karabatic, Cédric Sorondo, arrière-droit Adrien Dipanda, Nedim Remili, ailier droit arrière-droit Valentin Porte et côté ailier droit Lucas Ballot et Melvin Richardson. A noter, hein, vous l'aurez remarqué, l'absence de Nicolas Karabatic dans cette liste des 17. Je vous le rappelle, le joueur français s'est fait opérer du pied. Il se remet tout doucement. Il est dans la liste élargie des joueurs. Et si toutefois il venait à être opérationnel à un moment donné pendant ce mondial, eh bien il pourrait rejoindre bien évidemment l'équipe de France. Et ce serait plutôt pas mal hein, d'avoir Nicolas Karabatic au sein de l'effectif hein. Mais bon, on a quand même de très bons joueurs dans cette équipe de France. Allez, on va tout de suite marquer notre dernière pause musicale avec Sean Paul et son titre Temperature. The girl them skiller, chick. Sean Paul, some give it to, some give it to, some give it to, to our girls. 5,040,000 naughty shorty. Baby girl, I'm a girl, I'm a girl. Sean Paul say, well, woman, the way the time cold, I wanna be keeping you warm. I got the right temperature for shelter you from the storm. Hold on, girl, I got the right tactics to turn you on. And girl, I wanna be the papa, you can be the mom. Oh, oh. I can see the girl, them broke out on the floor. From your door, I'm a crisp performer. From your door, I'm a man, where can't turn you on. Girl, make I see you when them upon ya. Can't stand for the long, not eat no yam, no steam fish, nor no green banana. But down in Jamaica, we give it to your heart like a sauna. Well, woman, the way the time cold, I wanna be keeping you warm. I got the right temperature for shelter you from the storm. Hold on, girl, I got the right tactics to turn you on. And girl, I be the papa, you can be the mom. Oh oh, pump exposed and girl, you got the chest out, but you know we're sad, 'cause girl, you're impressed out. And if you diss out on me, if it is out, 'cause I got the remedy for make you de-stress out. Me have to flat it because me got this out. And girl, if you want it, you have to contest out. And a life where we need set speed, if it is to my test out. Well, woman, the way the time cold, I wanna be keeping you warm. I got the right temperature for shelter you from the storm. Hold on, girl, I got the right tactics to turn you on. And girl, I wanna be the